Chapitre 2. Tout en le suivant dans Hall Street, je donnai un coup d'œil derrière moi à la maison que nous venions de quitter, et je vis, à une fenêtre du haut, se dessiner une tête de femme, immobile, tendue par l'angoisse, scrutant la nuit, où les signaux interrompus pouvaient reprendre. À l'entrée de la grande maison rouge, de l'autre côté de la rue, un homme enveloppé d'un pardessus et d'un foulard se penchait contre la grille. Il eut un sursaut quand la lumière du vestibule nous frappa au visage. « Holmes ? » s'écria-t-il. « Vous, Gregson ?» dit mon compagnon, en serrant la main du détective de Scotland Yard. « Quel motif vous amène ici ?»« Le même motif que vous y amène, je suppose, » répliqua Gregson. « J'avoue d'ailleurs ne pas comprendre ce qui vous a mis sur la piste. Divers fils conducteurs, mais qui tous se brouillent au même point. J'ai surpris des signaux, partis de cette fenêtre. Ils s'interrompirent au beau milieu et nous venions en savoir la cause. » Mais avec vous, l'affaire est en trop bonne main pour que je m'en occupe davantage. « Attendez donc !» protesta Gregson. « Je vous rends cette justice, monsieur Holmes, qu'il n'y ait pas de cas où je ne me sois senti plus fort quand vous étiez à mon côté. Cette maison n'a qu'une issue, par conséquent nous tournons notre homme. Qui est-il ? Ah, cette fois, nous marquons un point contre vous, monsieur Holmes. Il faut que vous nous accordiez l'avantage. » Et frappant un coup sec de sa canne sur la chaussée, le long de laquelle un cocher faisait les 100 pas, son fouet à la main, cependant que le fiacre stationnait à l'autre bout de la rue. « Vous présenterai-je à M. Sherlock Holmes ?» dit Gregson au cocher, puis à Holmes, « M. Laverton de l'agence américaine Pinkerton. »« Le héros du mystère de la caverne de Long Island ?» dit Holmes. « Charmé, monsieur, de faire votre connaissance. » L'Américain rougit de plaisir. C'était un homme jeune, rasé, figure en lame de couteau, l'air posé et pratique. « Monsieur Holmes, dit-il, je touche à un moment décisif de ma carrière. Si je pince Giorgiano, quoi ? Le Giorgiano du Cercle Rouge ? Sa réputation a donc gagné l'Europe ? Nous, du moins en Amérique, nous sommes pleinement édifiés sur son compte. Nous savons qu'il a trempé dans 20 assassinats, et malgré cela, nous n'avons contre lui rien de suffisamment positif pour le prendre. Je le file depuis New York. Voilà une semaine que je le sers de près à Londres. « Gregson et moi, le tenons enfin dans cette maison. Elle n'a qu'une issue, il ne peut donc nous glisser entre les doigts. Nous avons vu depuis son arrivée sortir 3 personnes, mais je jure qu'il n'était pas du nombre. » « Monsieur Holmes parle de signaux qu'il a surpris, dit Gregson. Sans doute a-t-il bien des renseignements que nous n'avons pas. C'est assez son habitude. » Brièvement, Holmes exposa la situation telle qu'elle nous apparaissait. L'Américain frappa dans ses mains d'un air penaud. « Nous sommes refaits, » s'écria-t-il. Notre homme était là-haut, en train de correspondre avec un complice, car sa bande compte plusieurs affiliés à Londres, quand soudain, à l'instant même, où selon votre témoignage, il les prenait d'un danger, les signaux s'arrêtèrent. Est-ce que cela prouve qu'il a vu l'un de nous deux dans la rue, ou qu'il a senti à je ne sais quoi l'imminence d'un danger et la nécessité de la retraite ? Votre avis, monsieur Holmes ? C'est que nous montions tout de suite pour voir. Nos détectives officiels peuvent laisser à désirer sous le rapport de l'intelligence, jamais sous le rapport du courage. Gregson, montant à la rencontre du bandit, avait la même tranquillité, la même allure de fonctionnaire que s'il avait gravi l'escalier de Scotland Yard. En arrivant au palier du 3e étage, nous trouvâmes la porte de gauche entrebâillée. À l'intérieur régnait l'ombre et le silence. Je frottais une allumette et j'allumai la lanterne du médecin. Mais la petite flamme vacillante commençait à peine de s'assurer que nous poussâmes tous ensemble un cri de stupeur. Sur les boiseries blanches du parquet sans tapis, des pas sanglants traçaient une piste rouge. Elle se dirigeait vers nous, en partant d'une chambre contiguë dont la porte était close. Gregson ouvrit la porte, projeta devant lui la lueur de sa lanterne, et par-dessus son épaule nous regardâmes avec des yeux écarquillés. Au centre de la chambre gisait un homme colossal dont le visage glabre et basané se tordait dans une contraction. Une plaque de sang circulaire lui mettait autour du front une horrible nimbe. Ses genoux s'étaient relevés, ses bras tendus dans l'agonie. De sa gorge largement étalée sortait le manche blanc d'un couteau enfoncé jusqu'au sommet de la lame. Près de lui, à sa gauche, il y avait un formidable poignard à deux tranchants et un manche de corne ainsi qu'un gant de chevreau. « By George ! C'est Giorgiano en personne !» s'exclama le détective américain. « Cette fois, quelqu'un nous a devancés. »« Voyez donc, monsieur Holmes, » dit Gregson, « la bougie est restée contre la fenêtre. » « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Holmes avait gagné la fenêtre et allumé la bougie. Un instant, il passa et repassa la flamme d'un côté à l'autre des carreaux, puis il scruta l'obscurité, souffla la bougie et la jeta sur le parquet. « Je crois, fit-il, que ceci aura servi à quelque chose. » Alors, s'en revenant, il demeura pensif. Cependant, les deux professionnels examinaient le cadavre. « Vous dites, reprit-il enfin, que tandis que vous attendiez en bas, trois personnes quittèrent le salon. Les avez-vous observées de près ? De très près. Avez-vous remarqué notamment un individu d'environ 30 ans, brun, à barbe noire et de taille moyenne ? Il passa le dernier devant nous. « J'ai idée que voilà votre homme. Je pourrais vous fournir son signalement, et nous avons d'excellentes empreintes de ses pieds. Cela doit vous suffire. » Ce n'est guère, monsieur Holmes, pour une ville comme Londres, il a 10 millions d'individus. Aussi ai-je cru préférable d'appeler cette dame à notre aide. En l'entendant ainsi parler, nous nous retournâmes. Dans le cadre de la porte venait d'apparaître une femme grande et belle, la mystérieuse pensionnaire de Bloomsbury. Elle s'avança lentement. La peur tira effroyablement ses traits pâles. Ses yeux dilatés, hagards, se rivaient à la forme sombre couchée sur le plancher. « Vous l'avez tué ? » murmura-t-elle. « Oh, Dio mio, vous l'avez tué ?» Puis tout d'un coup, je l'entendis aspirer l'air avec violence. Je la vis bondir avec un cri de joie. Elle dansait autour de la chambre en claquant des mains. 1000 jolies exclamations italiennes s'échappaient de ses lèvres. Ces transports d'une femme devant un tel spectacle avaient quelque chose de déconcertant et de terrible. Brusquement, elle s'arrêta, nous regarda. « Mais vous, dit-elle, vous, n'est-ce pas, vous êtes de la police ? Vous avez tué Giuseppe Giorgiano ?» Elle interrogea d'un coup d'œil les ombres de la chambre. « Et Gennaro ? Où est Gennaro Luca, mon mari ? Je suis Emilia Luca, nous habitons New York. Qu'avez-vous fait de Gennaro ? Il m'appelait tout à l'heure de cette fenêtre. J'ai volé à son appel. « C'est moi qui vous appelais, dit Holmes. Vous ? Comment savez-vous ces choses ? Giuseppe Giorgiano, comment a-t-il ?» Elle s'arrêta. Son visage rayonnait subitement d'orgueil et d'allégresse. « Ah ! Je vois maintenant, je vois. Mon Gennaro, mon admirable, mon magnifique Gennaro, qui m'a préservé de tout mal. C'est lui qui a fait cela, lui qui, de ses bras puissants, a tué le monstre. Quelle femme serait jamais digne d'un tel homme ?»« Mrs. Luca, intervint le prosaïque Gregson, en posant sa main sur la manche de la dame. « Vous venez d'en dire assez pour que Scotland Yard ait à causer avec vous. » « Un moment, Gregson, dit Holmes. J'imagine que cette dame n'a pas moins le désir de parler que nous de l'entendre. Vous vous rendez compte, madame, que votre mari va être arrêté et interrogé pour le meurtre de cet homme. Vos déclarations peuvent être invoquées en témoignage. Si vous croyez pourtant que les motifs qui l'ont fait agir n'avaient rien de criminel et que lui-même tiendrait à les faire connaître, vous ne sauriez mieux servir sa cause qu'en nous disant tout. Maintenant que Giorgiano est mort, nous ne craignons rien, dit la dame. Il ne saurait y avoir un seul juge au monde pour punir mon mari d'avoir tué un être infernal. En ce cas, dit Holmes aux deux policiers, fermons cet appartement. Laissons les choses dans l'état où nous les avons trouvées et ramenons cette dame chez elle, où nous nous ferons une opinion après l'avoir entendue. Une demi-heure plus tard, assis tous les quatre dans le petit salon de la signora Luca, nous l'écoutions raconter les sinistres événements qui venaient de se dénouer sous nos yeux mêmes. « Je suis né à Posilip, près de Naples, » nous dit-elle. « Mon père était le principal avoué du pays, qu'il représenta quelque temps comme député. Gennaro travaillait dans l'étude de mon père. Je l'aimais. Il n'avait ni argent ni situation, rien que sa force, son énergie. Mon père s'opposa à notre mariage. Nous nous enfuîmes. Nous allâmes nous marier à Bari, et la vente de mes bijoux nous procura le prix de notre passage en Amérique. Il y a de cela 4 ans. Depuis, nous avons toujours habité à New York. La fortune commença par nous sourire. Gennaro eut la chance de rendre service à un gentilhomme italien. Il le sauva d'une bande de brigands dans un endroit appelé les Tonnelles, et désormais, il eut en lui un puissant protecteur. Cet Italien, nommé Castalotte, dirige la grande maison Castalotte et Zamblo, qui est la première de New York pour l'exportation des fruits. Le signor Zambo étant infirme, Castalotte mène entièrement la maison, qui a un personnel de plus de 300 hommes. Il prit chez lui mon mari comme chef de service. Célibataire, il considérait, je crois, Gennaro comme son fils. Gennaro et moi l'aimions en retour comme un père. Nous avions loué et meublé une petite maison de Brooklyn. Nous semblions assurés de l'avenir, mais un nuage noir apparut qui ne tarda pas d'obscurcir tout notre ciel. Rentrant un soir de son travail, Gennaro amena avec lui un de ses compatriotes nommé Giorgiano, originaire lui aussi de Posillipe. C'était un homme de très haute taille, ainsi que vous avez pu en juger puisque vous avez vu son cadavre. Et non seulement il avait un corps de géant, mais sa voix, dans notre petite maison, retentissait comme un tonnerre. Ses pensées, ses émotions, ses passions se caractérisaient par leur violence anormale. Il parlait, ou plutôt il rugissait, avec une impétuosité irrésistible. Ses yeux fulgurants vous tenaient à leur merci. C'était un homme redoutable et prodigieux. Il est mort, Dieu soit loué. Ses visites devinrent de plus en plus fréquentes. Il savait cependant que Gennaro n'y prenait pas plus de plaisir que moi. Mon pauvre mari l'écoutait, pâle et sans intérêt, dépité les furieuses diatribes politiques et sociales qui constituaient l'ordinaire de ses propos. Si Gennaro ne disait rien, je pouvais, moi, qui le connaissais si bien, lire sur son visage une émotion que jusqu'alors je n'y avais jamais vue. Je crus d'abord à de l'antipathie pour Giorgiano. C'était en réalité de la peur, une peur secrète, poignante. Le jour où je devinais cette peur, j'entourais mon mari de mes bras. Je le conjurais, au nom de sa tendresse pour moi, de ne rien me cacher, de me dire quelle ombre cet homme formidable projetait sur sa vie. Il me le dit, et mon cœur se glaça dans ma poitrine. Au jour de colère et de révolte où l'univers lui semblait ligué contre lui, où l'existence le rendait à peu près fou par ses injustices, il s'était affilié à une société de Naples, le Cercle Rouge, qui avait des attaches avec les anciens Carbonari. Les membres de cette confrérie se liaient par de terribles serments. Impossible de leur échapper quand on avait violé le pacte. Gennaro se crut libéré de tout en partant pour l'Amérique. Ce fut avec épouvante qu'un soir il rencontra dans la rue l'homme même qu'il avait initié à Naples, le géant Giorgiano, connu dans le sud de l'Italie sous le sobriquet de « la mort », car il avait du sang jusqu'au coude. Obligé de fuir en Amérique la police italienne, Giorgiano avait déjà créé dans sa nouvelle patrie une dépendance de la terrible société. En me racontant cela, Gennaro me montra une convocation reçue le jour même. La lettre, timbrée d'un cercle rouge, lui annonçait pour une certaine date une réunion à laquelle on le requérait d'assister. Mais voici le pire. J'avais remarqué depuis quelque temps que Giorgiano, au cours de ses visites, qui étaient continuelles, m'adressait fréquemment la parole. Et même quand il causait avec mon mari, il tournait sans cesse vers moi ses yeux qui brillaient d'une ardeur sauvage. Il se déclara un soir. J'avais éveillé en lui ce qu'il appelait l'amour, un amour de bête fauve. Mon mari n'était pas encore rentré. Giorgiano s'enhardit, me saisit dans ses bras d'ours, me supplia de fuir avec lui. Je criais et me débattais, lorsque Gennaro, survenant, bondit à mon secours. Mais Giorgiano, d'un coup, l'étendit raide et sortit de la maison pour n'y plus reparaître. Nous avions en lui un ennemi mortel. Quelques jours plus tard eut lieu la réunion annoncée. Le visage de Gennaro, à son retour, m'annonçait quelque chose d'effroyable. Mais cela dépassait tout ce que nous aurions imaginé. La société se procurait des fonds en les extorquant à de riches Italiens par le chantage et la menace. Une tentative avait dû être faite auprès de Castalotte, notre ami cher, notre bienfaiteur. Mais les menaces n'avaient pas triomphé de son refus. Il en avait saisi la police. On décida qu'il serait fait de lui un exemple qui couperait court chez les autres victimes désignées à toute velléité de résistance. Des dispositions furent prises en séance pour dynamiter sa maison. On tira au sort le nom de celui qui accomplirait cette besogne. Gennaro, en plongeant la main dans le sac, vit le sourire féroce de notre ennemi. L'opération avait certainement été truquée, car il ramena le disque fatal marqué du cercle rouge qui le désignait pour le meurtre. Il devait assassiner son meilleur ami ou nous exposer, lui et moi, à la vengeance de ses camarades. C'était un principe de la société, quand elle craignait ou haïssait quelqu'un, de le frapper non pas seulement dans sa personne, mais dans ses affections. Et Gennaro le savait si bien, il en était si terrifié qu'il en perdait presque la tête. Nous passâmes cette nuit-là dans les bras l'un de l'autre, essayant de nous fortifier d'avance contre les tribulations. Il fallait que l'attentat reçût son exécution le lendemain soir. À midi, mon mari et moi prenions le bateau pour Londres, non sans avoir prévenu notre ami du danger qu'il courait, et fourni à la police toutes les indications voulues pour qu'elle fît bonne garde. Vous savez le reste, messieurs. Nous ne doutions pas que nos ennemis ne s'attacheraient à nous comme nos ombres. Giorgiano avait ses motifs particuliers de vengeance, et nous le savions, dans tous les cas, rusé, implacable, infatigable. L'Italie et l'Amérique sont également pleines de ses exploits. S'il ne devait jamais déployer tous ses moyens, c'était dans les circonstances actuelles. Mon Gennaro mit à profit les quelques jours de répit que nous donnait notre départ inopiné pour m'assurer un refuge où nul danger ne put m'atteindre. Il désirait, quant à lui, rester libre de communiquer avec les polices américaines et italiennes. J'ignore où il a vécu et comment. Je ne savais de lui que ce que m'apprenait la petite correspondance d'un journal. Mais une fois, en regardant par la fenêtre, je vis deux Italiens en faction devant la maison que j'habitais, et j'en conclus que, d'une manière ou d'une autre, Giorgiano avait découvert notre retraite. Enfin, Gennaro m'avertit par le journal qu'il m'enverrait des signaux d'une certaine fenêtre. Ces signaux en effet m'arrivèrent, mais ils se réduisirent à des avertissements et puis s'interrompirent tout d'un coup. Certainement, il savait Giorgiano à ses trousses, et grâce à Dieu, il était prêt à le recevoir. « Je vous le demande, messieurs, qu'avons-nous à craindre de la loi? Devant quel juge la conduite de mon Gennaro serait-elle condamnable ?»« Ma foi, monsieur Gregson, » dit l'Américain en regardant le détective, « je ne me flatte pas de connaître le point de vue anglais, mais j'ai lieu de croire qu'à New York le mari de cette dame recueillerait un verdict de félicitations unanimes. » Il faut que je conduise Mrs. Luca devant le chef, répondit Gregson. Si ce qu'elle raconte se confirme, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup à craindre. Mais, par exemple, ce qui m'échappe, Holmes, c'est comment vous avez pu vous mêler de cette affaire. Curiosité, Gregson, simple curiosité. Je continue de m'instruire à la vieille école. Eh bien, Watson, encore une histoire tragique et grotesque pour votre collection. À propos, il est 8 heures, et l'on joue du Mozart à Covent Garden. En nous pressant, nous arriverons pour le deuxième acte. Ainsi s'achève Le Cercle Rouge par Arthur Conan Doyle.